va me plaquer. Et Aurélie ne m'a même pas regardé. Cupidon, Cupidon, Cupidon m'a abandonné. Cupidon, Cupidon est un enculé. Cupidon, Cupidon m'a abandonné. Cupidon, Cupidon est un enculé. Ça m'a rattrapé. Nathalie s'est flinguée. Nadia est dégoûtée. Et Virginie m'a assassiné. Cupidon, Cupidon, Cupidon m'a abandonné. Cupidon, Cupidon est un enculé. Cupidon, Cupidon m'a abandonné. Cupidon, Cupidon est un enculé. Marie est partie sans rire préfère ici. Camille me renie. Et Julie, ah Julie, elle est restée à Paris. Paris. Cupidon, Cupidon, Cupidon m'a abandonné. Cupidon, Cupidon est un enculé. Cupidon, Cupidon m'a abandonné. Cupidon, Cupidon est un enculé. Yeah!